il y avait des grosses. Il les avait un chouïa en moins cher, tu vois. Et il y avait des grosses. Mais vraiment, il y avait de la les maisons, les maisonnettes blanches. Thank you.